Averroès et l'Averroïsme. Essai historique d'Ernest Renan, édition Lévy Frères 1866. Markem d'anarchive.org 2021, d'après Books Google FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Avertissement. Cet essai, qui fut publié pour la première fois en 1852, a subi dans la présente édition d'assez nombreux remaniements. La biographie d'Averroès, l'histoire de l'averroïsme chez les Juifs et même deux ou trois points de l'histoire de l'averroïsme au Moyen-Âge ont pu être complétés, grâce à l'étude de quelques sources nouvelles et aux travaux récents de messieurs Mack, Joseph Müller, Sten Schneider, Amari, Dosi, Gauche. Pour déférer aux vœux de quelques personnes, j'ai donné en appendice les textes arabes inédits d'après lesquels ont été dressées la biographie et la bibliographie d'Ibn Roche. Monsieur Mack avait déjà préparé pour l'impression 3 de ces textes, à savoir les morceaux d'Ibn el-Abbar, d'El-Ansari et de Déby, c'est d'après sa copie qu'ils sont publiés ici. Le morceau très difficile d'El-Ansari, que mon savant confrère, vu son état de cécité, ne pouvait revoir, a été l'objet d'un nouveau travail critique, pour lequel les conseils, de messieurs de Slane, d'Ozy et de Rambourg m'ont été infiniment utiles. Je crois que ce singulier fragment sera lu avec intérêt par les arabisants pour son beau style rimé et surtout pour la circulaire curieuse d'Ibn Aïyash que l'auteur y a inséré. Le morceau de Déby n'est en partie que la répétition des autres, j'ai cru cependant devoir le donner, car il fournit des variantes. Pour la pièce d'Ibn Abi Eusebia, j'ai pu profiter d'une collation de deux manuscrits d'Oxford, que M. Dosi a bien voulu me communiquer. Quant aux documents publiés dans l'appendice sous le numéro 5, je n'ai eu pour en constituer le texte qu'une copie très défectueuse. L'imprimerie impériale, avec sa libéralité accoutumée, a bien voulu mettre à la disposition de l'éditeur la composition de ces différents morceaux, exécutés avec toute la perfection qu'elle sait apporter à ses labeurs orientaux. J'ai pesé avec un soin extrême les observations que des critiques fort autorisés, en particulier M. Henri Rité, voulurent bien m'adresser lors de la première édition. Je n'ai pu cependant modifier ma manière de voir en ce qui concerne les origines et le caractère de la philosophie arabe en général. Je persiste à croire qu'aucun grand parti dogmatique n'a présidé à la création de cette philosophie. Les Arabes ne firent qu'adopter l'ensemble de l'encyclopédie grecque telle que le monde entier l'avait acceptée vers le 7e et le 8e siècle. La science grecque jouait à cette époque chez les Syriens, les Nabatéens, les Araniens, les Perses sassanides un rôle fort analogue à celui que la science européenne joue en Orient depuis un demi-siècle. Quand les Arabes s'initièrent à cet ordre d'études, ils reçurent Aristote comme le maître autorisé, mais ils ne le choisirent pas. De même que telle l'école du Caire où l'on enseigne la géométrie et la chimie selon nos auteurs n'a pas été dirigée dans la préférence qu'elle accorde à ses auteurs par une vue théorique. Il est très vrai, d'un autre côté, qu'en se développant sur un fond traditionnel, la philosophie arabe arriva, surtout au XIe et au XIIe siècle, à une vraie originalité. Ici, je suis prêt à faire quelques concessions. Quand je me suis remis à suivre, après un intervalle de 10 années, les traces de ce beau mouvement d'étude, j'ai trouvé que le rang que je lui avais attribué était plutôt au-dessous qu'au-dessus de celui qu'il mérite. Ibn Roche, en particulier, a plutôt grandi que diminué à mes yeux. En somme, le développement intellectuel représenté par les savants arabes fut jusqu'à la fin du XIIe siècle supérieur à celui du monde chrétien. Mais il ne put réussir à passer dans les institutions, la théologie opposa à cet égard une infranchissable barrière. Le philosophe musulman resta toujours un amateur ou un fonctionnaire de cour. Le jour où le fanatisme fit peur au souverain, la philosophie disparut, les manuscrits en furent détruits par ordonnance royale, et les chrétiens seuls se souvinrent que l'islamisme avait eu des savants et des penseurs. Là est, selon moi, la plus curieuse leçon qui résulte de toute cette histoire. La philosophie arabe offre l'exemple à peu près unique d'une très haute culture supprimée presque instantanément sans laisser de traces, et à peu près oubliée du peuple qui l'a créée. L'islamisme dévoila en cette circonstance ce qu'il y a d'irrémédiablement étroit dans son génie. Le christianisme, lui aussi, a été peu favorable au développement de la science positive. Il a réussi à l'arrêter en Espagne et à l'entraver beaucoup en Italie, mais il ne l'a pas étouffé, et même les branches les plus élevées de la famille chrétienne ont fini par se réconcilier avec elle. Incapable de se transformer et d'admettre aucun élément de vie civile et profane, l'islamisme arracha de son sein tout germe de culture rationnelle. Cette tendance fatale fut combattue, tandis que l'hégémonie de l'islamisme resta entre les mains des Arabes, race si fine et si spirituelle, ou des Persans, race très portée à la spéculation. Mais elle régna sans contrepoids depuis que des barbares, turcs, berbères, etc. prirent la direction de l'islam. Le monde musulman entra dès lors dans cette période d'ignorante brutalité, d'où il n'est sorti que pour tomber dans la morne agonie où il se débat sous nos yeux. En revisant, au contraire, le jugement que j'avais porté de l'école de Padoue, je n'ai pu trouver que j'eusse été trop sévère. À part quelques individualités distinguées, l'école philosophique de Padoue n'est qu'une prolongation au cœur des temps modernes de la scolastique dégénérée. Loin qu'elle ait servi au progrès de la science, elle y a nuit en maintenant outre mesure le règne de vieux auteurs arriérés. L'avéroïsme padouan est en somme une philosophie de paresseux. On ne peut citer une preuve plus frappante du danger qu'offre dans un établissement scientifique l'enseignement de la philosophie comme d'une science distincte. Un tel enseignement finit toujours par tomber en proie à la routine et devenir funeste au progrès de la science positive. N'est-il pas remarquable, en effet, que ce n'est pas de la docte Padoue, mais de la poétique et légère Florence qu'est sortie la grande direction scientifique, celle de Galilée? C'est qu'à vrai dire toute scolastique est, selon l'expression de Nisolius, l'ennemi capital de la vérité. Une logique et une métaphysique abstraite, croyant pouvoir se passer de la science, deviennent fatalement un obstacle au progrès de l'esprit humain. Surtout quand une corporation se recrutant elle-même y trouve sa raison d'être et les érige en enseignement traditionnel. Préface de la première édition. S'il ne fallait chercher dans l'histoire de la philosophie que des résultats positifs et immédiatement applicables aux besoins de notre temps, on devrait reprocher au sujet de ces recherches d'être à peu près stériles. Je suis le premier à reconnaître que nous n'avons rien ou presque rien à apprendre ni d'Averroès, ni des Arabes, ni du Moyen Âge. Bien que les problèmes qui préoccupent aujourd'hui l'esprit humain soient au fond identiques à ceux qui l'ont toujours sollicité, La forme sous laquelle ces problèmes se posent de nos jours est si particulière à notre siècle, que très peu des anciennes solutions sont encore susceptibles d'y être appliquées. Il ne faut demander au passé que le passé lui-même. L'histoire politique s'est ennoblie, depuis qu'on a cessé d'y chercher des leçons d'habileté ou de morale. De même, l'intérêt de l'histoire philosophique réside moins peut-être dans les enseignements positifs qu'on en peut tirer que dans le tableau des évolutions successives de l'esprit humain. Le trait caractéristique du XIXe siècle est d'avoir substitué la méthode historique à la méthode dogmatique, dans toutes les études relatives à l'esprit humain. La critique littéraire n'est plus que l'exposé des formes diverses de la beauté, c'est-à-dire des manières dont les différentes familles et les différents âges de l'humanité ont résolu le problème esthétique. La philosophie n'est que le tableau des solutions proposées pour résoudre le problème philosophique. La théologie ne doit plus être que l'histoire des efforts spontanés tentés pour résoudre le problème divin. L'histoire, en effet, est la forme nécessaire de la science de tout ce qui est soumis aux lois de la vie changeante et successive. La science des langues, c'est l'histoire des langues, la science des littératures et des philosophies, c'est l'histoire des littératures et des philosophies, la science de l'esprit humain, c'est, de même, l'histoire de l'esprit humain, et non pas seulement l'analyse des rouages de l'âme individuelle. La psychologie n'envisage que l'individu, et elle l'envisage d'une manière abstraite, absolue, comme un sujet permanent et toujours identique à lui-même. Aux yeux de la critique, la conscience se fait dans l'humanité comme dans l'individu, elle a son histoire. Le grand progrès de la critique a été de substituer la catégorie du devenir à la catégorie de l'être, la conception du relatif à la conception de l'absolu, le mouvement à l'immobilité. Autrefois, tout était considéré comme étant, on parlait de philosophie, de droit, de politique, d'art, de poésie, d'une manière absolue, maintenant tout est considéré comme en voie de se faire. Ce n'est pas qu'autrefois la marche et le développement ne fussent, comme aujourd'hui, la loi générale, la Terre tournait avant Copernic, bien qu'on n'eût pas conscience de son mouvement. Les hypothèses substantielles précédant toujours les hypothèses phénoménales, la statue égyptienne, immobile et les mains collées aux genoux, et l'antécédent nécessaire de la statue grecque, qui vit et qui se meut. À ce point de vue de la science critique, ce qu'on recherche dans l'histoire de la philosophie, c'est beaucoup moins de la philosophie proprement dite que de l'histoire. La philosophie arabe est assurément un fait immense dans les annales de l'esprit humain, et un siècle curieux comme le nôtre ne devra point passer sans avoir restitué toute sa valeur à cet anneau de la tradition. Il faut pourtant s'y résigner à l'avance, il ne sortira de cette étude presque aucun résultat que la philosophie contemporaine puisse s'assimiler avec avantage, si ce n'est le résultat historique lui-même. Ce n'est pas à la race sémitique que nous devons demander des leçons de philosophie. Par une étrange destinée, cette race, qui a su imprimer à ses créations religieuses un si haut caractère de puissance, n'a pas produit le plus petit essai de philosophie qui lui soit propre. La philosophie, chez les sémites, n'a jamais été qu'un emprunt purement extérieur et sans grande fécondité, une imitation de la philosophie grecque, il en faut dire autant de la philosophie du Moyen Âge. Le Moyen Âge, si profond, si original, si poétique dans l'élan de son enthousiasme religieux, n'est, sous le rapport de la culture intellectuelle, qu'un long tâtonnement pour revenir à la grande école de la noble pensée, c'est-à-dire à l'Antiquité. La Renaissance, loin d'être, comme on l'a dit, un égarement de l'esprit moderne, fourvoyé après un idéal étranger, n'est que le retour à la vraie tradition de l'humanité civilisée. Pourquoi reprocher à la Renaissance et au temps moderne de faire avec science et discernement ce que le Moyen-Âge faisait sans critique? Valait-il mieux étudier Aristote sur des traductions détestables que de l'étudier dans le texte? Valait-il mieux connaître Platon par quelques mauvais commentaires du Timée, ou par des citations de seconde main, que par l'ensemble de ses œuvres? Valait-il mieux connaître Homère par Dictys et Darès que de lire l'Iliade et l'Odyssée? Tout ce que l'Orient est mythique, tout ce que le Moyen-Âge ont eu de philosophie proprement dite, ils le doivent à la Grèce. Si donc il s'agissait de choisir dans le passé une autorité philosophique, la Grèce seule aurait le droit de nous donner des leçons, non pas cette Grèce d'Égypte et de Syrie, altérée par le mélange d'éléments barbares, mais la Grèce originale et sincère, dans son expression, pure et classique. Au contraire, si, au lieu de demander des doctrines au passé, nous ne lui demandons que des faits, les époques de décadence et de syncrétisme, les périodes de transmission et d'altération lentes auront plus d'intérêt que les périodes de perfection, où la saillie originale du génie semble parfois s'effacer sous la perfection de la forme et l'exacte mesure de la pensée. Ces observations m'ont semblé nécessaires pour prévenir le reproche d'avoir consacré tant de soins à une doctrine qui n'a plus rien à faire avec nous. Mais du moment où l'on admet que l'histoire de l'esprit humain est la plus grande réalité ouverte à nos investigations, toute recherche pour éclairer un coin du passé prend une signification et une valeur. Il est, en un sens, plus important de savoir ce que l'esprit humain a pensé sur un problème, que d'avoir un avis sur ce problème, car, lors même que la question est insoluble, le travail de l'esprit humain pour la résoudre constitue un fait expérimental qui a toujours son intérêt, et en supposant que la philosophie soit condamnée à n'être jamais qu'un éternel et vain effort pour définir l'infini. On ne peut nier au moins qu'il n'y ait dans cet effort, pour les esprits curieux, un spectacle digne de la plus haute attention. Je me suis, en général, interdit d'exprimer mon sentiment sur les problèmes que le sujet m'amenait à toucher, ou du moins je l'ai fait aussi sobrement que possible, ne cherchant qu'à représenter avec exactitude l'individualité des caractères et la physionomie des écoles. Les écoles sont en philosophie ce que les partis sont en politique, le système personnel de l'historien qui raconte les luttes des écoles et des partis ne sert le plus souvent qu'à fausser son jugement et à gâter l'effet de son tableau. Le jugement critique exclut le jugement dogmatique. Qui sait si la finesse d'esprit ne consiste pas à s'abstenir de conclure? Ce n'est là, remarquez-le bien, ni l'indifférence ni le scepticisme, c'est la critique, on n'est historien qu'à condition de savoir reproduire à volonté en soi-même les différents types de la vie du passé, pour en comprendre l'originalité, et pour les trouver tour à tour légitimes et défectueux, beaux et laids, dignes d'amour et de haine. J'enlèverai à ce travail sa plus honorable recommandation, si je ne disais qu'il a été entrepris d'après les conseils de messieurs Victor Cousin et Victor Leclerc, quelqu'un digne qu'il puisse paraître de la bienveillance avec laquelle ces hommes éminents l'ont encouragé, on y verra, j'espère, un faible résultat du mouvement qu'ils ont imprimé aux études d'histoire littéraire et philosophique. Je manquerai aussi à mes plus chers souvenirs si je ne mentionnais ici les personnes dont la complaisance m'a permis d'enrichir de quelques documents inédits l'histoire de l'avéroïsme pannois, Monsieur l'abbé Valentinelli, bibliothécaire de Saint-Marc, à Venise, Monsieur Baldassare Poli, professeur de philosophie à l'université de Padoue, le savant Monsieur Samuel Lusato, tant d'autres encore, qui m'ont fait apprécier vivement l'hospitalité italienne. Enfin, je dois exprimer ma reconnaissance à messieurs Thomas Munoz et José de Alava, membres de l'Académie de Madrid, qui m'ont fait obtenir de l'Escurial la copie d'un document arabe fort important pour le sujet qui m'occupe. J'ai eu soin de témoigner, dans mes notes, ce que je dois aux excellents travaux dont la philosophie aristotélique a déjà été l'objet parmi nous. On verra surtout de quelle utilité m'ont été les belles recherches de M. Oreo sur la philosophie scolastique, et celles de M. Mack sur la philosophie arabe et juive au Moyen Âge. Indépendamment de l'article si substantiel qu'il a inséré, sur Ibn Rushd, dans le Dictionnaire des sciences philosophiques, M. Mack a recueilli, sur le commentateur et sa famille, des documents intéressants qu'il aurait déjà publiés sans le fatal accident qui a interrompu ses savantes occupations. Entrepris à un autre point de vue, mon travail, loin de rendre le sien inutile, ne servira qu'à le faire désirer, si, comme nous l'espérons, la science n'est point privée des résultats qu'elle était en droit d'attendre d'un esprit aussi sagace et d'une érudition aussi exercée. Note. Monsieur Mack a tenu depuis une partie de ses promesses en reproduisant, avec des additions considérables, l'article Ibn Rushd, dans ses mélanges de philosophie juive et arabe.